Belle journée à tous. Je vous laisse entre les mains d'Histoire Vivante. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special this evening, a recording for Blue Note Records. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Tout est venu des Caraïbes, le jazz est venu des Caraïbes, le rap, la salsa, tout ça c'est venu des Caraïbes. Le jazz, c'est une musique pour danser, c'est une musique populaire. Le blues, ça serait plus la musique de l'âme. Cette semaine, la Blue Note. I want to record for Blue Note. And of course, I told him yes. D'une renaissance à l'autre. Avoir le petit logo Blue Note sur son disque, c'est pas beaucoup de musiciens de jazz qui refuseraient. Quelques histoires de jazz. The music, it's about collaboration and freedom. On est passé d'une écoute quasi audiophile de Chanifi à une écoute MP3 sur des smartphones avec des casques. Je ne suis pas du tout musicien, mais j'ai un cœur qui est sensible à ces musiques-là. Je suis Patrick Frémaux, le fondateur du label Frémaux et Associés, qui est une maison d'édition sonore, donc une maison de disques culturelle, à la fois dans la musique et dans le parler, et y compris un éditeur des écosystèmes, des guides d'espèces, etc. Le parler, rapidement, toute l'histoire du parler, les grands discours d'hommes politiques, les discours de philosophes, L'étranger de Camus lu par Camus, les cours de Michel Onfray ou de Luc Ferry, tout ce qui va relever des choses évidentes qu'on veut garder, et aussi ce qui est devenu maintenant courant et qui n'existait pas il y a 10 ans, c'est-à-dire le livre audio. Sur ce dernier point, simplement, pardon de vous interrompre, quel est le public? Je me suis toujours intéressé à ça à titre individuel, parce que faisant de la radio, parce qu'aimant les récits, aimant l'histoire. Quel est le public de ce dernier produit? C'était personne et c'est devenu tout le monde. Le smartphone a créé une expansion avec la possibilité d'écouter dans les transports en commun. Et puis, au même titre que la radio n'a pas baissé en termes d'écoute et de fréquentation, le livre audio répond finalement aux mêmes besoins, avec une différence, c'est qu'il y a une volonté d'écouter le programme et que le programme peut être plus long et peut être littéraire, politique. Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Littré le dit qui ne se trompe jamais. Extrait de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. On a des gens comme Podalydès, entre autres, Claude Riche plus anciennement, Jean-Pierre Mariel tout récemment disparu. Tous ces gens-là ont pratiqué à des degrés divers l'approche de la lecture à un micro d'un texte, de poème, de que sais-je. Tout à fait, donc tous ces grands interprètes-là, et puis aussi tous les auteurs qui ont osé lire leurs œuvres, comme Marcel Pagnol, Albert Camus, et qui offrent en fait une prestation presque légitime de comment comprendre leur œuvre. Par exemple, dans le Caligula de Camus, que j'avais lu au lycée, quand Camus lit Caligula, il fait rire la salle. Donc il veut montrer un côté comique qu'on n'aurait pas vu dans l'œuvre, quand par exemple Caligula fait mettre dans les arènes des innocents pour vérifier que la chaîne de commandement fonctionne. Quand Camus le lit, il provoque le rire. Ce que n'a jamais fait Gérard Philippe quand il l'a interprété. Exactement. Mais de toute façon, Camus peut être interprété de manière dramatique ou de manière comique. Ça dépend si on introduit le cynisme ou pas. Élie, quand tu sembles fatigué, Caligula, j'ai beaucoup marché. Élie, quand oui, ton absence a duré longtemps, Caligula, c'était difficile à trouver. Élie, quand quoi donc, Caligula, la lune. Élicon, ah, et pourquoi faire? Caligula, eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas. Et au niveau des guides d'espèces, Frémaux et Associés s'est occupé du catalogue de Jean-Claude Rocher et puis de tous ses élèves, l'école audio-naturaliste française, tous ceux qui ont enregistré des biotopes, donc des milieux naturels, ou des espèces les unes après les autres, de façon à faire soit des guides d'espèces, soit des disques qui reproduisent des milieux naturels. Alors la même question, quel est le public de ça? Toujours le même, personne et tout le monde. C'est à la fois un public qui s'intéresse à l'écologie, qui s'intéresse à l'environnement, C'est quand même extraordinaire de pouvoir entendre un réveil d'oiseau dans le Jura ou en Normandie alors qu'on n'y est pas. La signature auditive des oiseaux et des milieux naturels fait partie de notre mémoire. Et puis, il y a des ornithologues, des birdwatchers, des amoureux d'oiseaux, des gens encore beaucoup plus avertis. C'est une carte postale sonore de la vie. Comment ça se constitue un catalogue comme celui-ci, par exemple, concernant cette niche-là particulière? Alors, en fait, c'est Jean Rocher qui est le vrai enfant de Jules et Jim, donc de Jean Rocher qui a écrit le livre, qui, par les droits d'auteur de son père, a pu toute sa vie, d'une part, enregistrer, faire des missions d'exploration, parce qu'il faut enregistrer des dizaines d'heures pour avoir une heure d'enregistrement correct, et qui a créé une école qui s'appelle le CEBA, où il a formé d'autres bioacousticiens, on dit aussi audio-naturalistes. Et ça a créé cette école qui est importante, qui rivalise avec l'école américaine, même si elle fait un peu plus entendre parler d'elle, avec Bernie Krause qui avait fait une installation à la Fondation Cartier. Mais je trouve que l'école française est un niveau supérieur en termes de qualité. Ce sont des enregistrements beaucoup plus fins, qui savent jouer avec les silences. Et puis évidemment, il y a les Anglais qui sont des birdwatchers. Chez eux, c'est presque une culture nationale. C'est dans officielle. Le biberon, là. Oui. Exactement. Qui sont les grands amoureux d'oiseaux. D'ailleurs, la première association d'oiseaux dans le monde, c'est la BirdLife. Et la Ligue de protection des oiseaux est un membre de la BirdLife. Patrick Frémaux, on va pointer quelque chose de bien particulier dans votre immense catalogue vers lequel j'adjure les auditeurs de se rendre. On peut le consulter sur le net, tout est là, et la richesse est absolument stupéfiante. Nous, on va zoomer sur une partie particulière du catalogue, de ce vaste catalogue, qui est le jazz. Quelle place occupe le jazz? Et après, vous nous direz quel jazz dans votre catalogue. Frémaux Associés est avant tout un catalogue de musique, de toutes les musiques qui n'avaient pas été éditées ou rééditées scientifiquement par les majors, à savoir finalement toutes sauf la musique classique qui a toujours été très bien traitée par les grandes compagnies. Decca, Deutsche Grammophon chez Universal fait l'objet de rééditions. Donc le but, c'était de traiter les musiques du monde et toutes les musiques qui finalement avaient été vues comme pas très importantes musicologiquement. Et quand on veut relire notre XXe siècle, on s'aperçoit qu'elles sont très importantes et qu'il n'y a pas eu que de la musique classique contemporaine et du rock. En fait, c'est l'histoire de la mondialisation, 18e, 19e siècle, et les bateaux qui partaient de Bordeaux avec des verroteries en Afrique de l'Ouest, qui les échangeaient plus ou moins contre des esclaves, et ces esclaves qui sont arrivés sur des ports de toutes les Amériques, et qui ont organisé la fusion musicale, c'est-à-dire à chaque fois une musique portuaire qui mélangeait cet apport de rythme des Africains noirs avec la musique urbaine de la ville et avec souvent la musique traditionnelle autour de ces ports. Donc c'est le samba à Rio de Janeiro, c'est un petit peu le choro, le frevot, c'est le begin à Fort-de-France, c'est le jazz à la Nouvelle-Orléans, et évidemment la musique qui est devenue la plus importante au monde, c'est le jazz. Elle est venue une première fois avec Jérôme Riis en 1917, mais elle est revenue massivement avec la Seconde Guerre mondiale, avec la Libération, musique officielle. Et elle s'est installée de manière définitive en Europe. Ensuite, elle a été un petit peu dépassée par le rock'n'roll, mais elle est restée, elle reste toujours dans la mesure où le jazz est en fait la musique savante du XXe siècle. C'est elle qui s'est substituée dans notre écoute à la fois intellectuelle et esthétique à celle du classique. Est-ce qu'on doit comprendre, Patrick Frémaux, que votre catalogue jazz démarre à une certaine époque pour s'arrêter à une époque précise où c'est encore pour le moment avec, sur le contour, le bord extérieur, une date qui n'est pas encore totalement arrêtée? Le catalogue jazz, il doit commencer avant 1917 avec des enregistrements qui ne seront pas apparentés à du jazz, même s'ils en font évidemment partie. Et nous continuons à sortir de nouveaux artistes de jazz. On est plus vers des musiciens qui vont jouer du répertoire ou avoir un répertoire qui s'inscrit dans l'histoire du jazz, puisque c'est une musique qui a maintenant plus d'un siècle, que réellement être des créateurs de genres nouveaux. Pour nous, l'intérêt de cette musique, c'est que la création, son improvisation ou son répertoire font partie d'un patrimoine bâti complet qui rentre en interaction et qui mérite de continuer à être joué comme on continue à jouer du Mozart ou du Bach. Woody Herman, Apple Honey. On comprend, vu les dates, Patrick Frémaux, que on a affaire souvent à des objets originaux. Comment vous procédez? Vous allez à la pêche aux archives? Quelle est la pratique de l'éditeur là-dedans? Alors tout le problème, c'est de s'attacher pécuniairement des collectionneurs et des directeurs artistiques, c'est-à-dire des gens qui ont à la fois la compétence, je dirais presque névrotique, d'avoir accumulé des acétates, des 78 tours, des pyrales, des enregistrements très anciens, et qui en même temps ont la dimension intellectuelle pour les replacer dans une histoire plus large, plus intéressante, et être capable de faire des livrets, puisque chacun de nos coffrets est accompagné d'un appareil documentaire critique. Alors, dans une collection comme la collection The Quintessence, les tâches sont partagées. Il y a Daniel Nevers pour la discographie, il y avait Alain Terciné pour le texte général, et Alain Gerbert qui s'occupait de la sélection et du texte précis sur l'explication de la sélection. Et puis, dans d'autres anthologies, c'est un seul auteur, un seul directeur artistique qui s'occupe de globaliser toutes ses fonctions. Le but étant à chaque fois d'amener des enregistrements à la meilleure qualité de restauration sonore possible, quitte à laisser des fois des défauts, parce qu'on ne veut jamais faire un nettoyage, je dirais, sec, brut. On préfère des défauts que d'enlever des informations. Et qu'il y ait un livret explicatif et que la sélection fasse l'objet d'une sorte d'accord commun sur son bien fondé, et on doit être le label de jazz le plus primé au monde par le nombre de distinctions qu'on a eues, 4 clés Télérama, Diapason d'or, Choc de monde de la musique, Choc Jazzman, enfin la totalité des distinctions qui existent. Comment se font les rencontres? C'est-à-dire, c'est vous qui partez à la recherche des éventuels collectionneurs et tout ça, ou ce sont également les gens qui viennent vers vous et vous évoquent de ce dont ils disposent ou ce qu'ils pourraient avoir comme idée? C'est les deux. Au début, on allait beaucoup chercher les auteurs. Aujourd'hui, le circuit est un petit peu inversé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'offres, pas seulement dans le jazz, mais dans tous les genres de succession, de collectionneurs, de directeurs artistiques. Le but étant à chaque fois de faire un ouvrage qui concilie une compétence, un fond et quelque chose qui va être important de transférer au public. C'est-à-dire que chacun de nos coffrets doit avoir une justification esthétique, intellectuelle ou historiographique. Donc lorsque, par exemple, on fait un coffret avant-garde, où à la fois on va avoir Frank Zappa, Darius Milhaud, Tchaïkovski, c'est important que toutes ces musiques, que tous ces enregistrements qui ont été les premiers dans leur domaine, et qui sont maintenant évidemment d'arrière-garde, mais qui ont été d'avant-garde au moment où ils ont été créés et enregistrés. Donc c'est important pour nous que cet ouvrage correspond à une réalité intellectuelle du besoin historique de montrer ce que pouvait être la création, ce que pouvait être le premier geste de la création au cours du XXe siècle. Oh, lovely, lovely scent. Frank Zappa. Dear Jeepers. Dear Jeepers. It was so nice of you to attend my party at the castle last week. You and Doris make such a lovely couple. I'm also very glad to have seen Igor, Boris, and Sally Snake, and Pumpkin the Rat. Oh, it was so much fun when we all played Pin the Tail on the Werewolf. Oh, yes, and electrical chairs. Oh, when everybody sat down, 2 million volts. Oh, that's fun. Patrick Frémaux, éditeur, au micro de Jean Leclerc. Si on a envie d'aller vous interroger d'un peu plus près sur le choix de, je ne sais pas si le mot vous convient, remasterisation, enfin repartir de la galette première pour arriver au CD, quels sont les processus et dans quelle mesure vous vous attachez à être le plus précis possible dans cette traduction-là, dans ces transferts-là? Tout le problème, c'est que l'écoute a changé sur ces 15 dernières années, puisqu'on est passé d'une écoute quasi audiophile de Chanifi à une écoute MP3 sur des smartphones avec des casques. Nomade, autrement dit. Exactement. On s'aperçoit même que dans le rock, dans la variété, etc., les disques ne sont plus mixés pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, une stéréophonie élargie passe plus du tout au casque. Trop molle, vous diriez? Il y a un manque d'information. Il y a besoin donc de rajouter une espèce de réverb naturel dans les nouveaux enregistrements. De toute façon, il y a eu un appauvrissement terrible. Il n'y a plus les harmoniques dans la MP3, donc vous n'avez pas la fin des violons, vous n'avez pas la fin des voix graves, vous n'avez pas les harmoniques des cymbales, tout ce qui est extrême aigu est quand même extrêmement réduit. Donc c'est une autre manière d'écouter la musique. La photographie, assez curieusement, s'est modifiée, mais elle n'a pas perdu en information, puisqu'elle a eu sa révolution après le disque. Le disque, par rapport à la zone mémoire qu'on avait et à la capacité de la miniaturisation, on a arrêté une norme qui est 44,1 kHz, c'est-à-dire finalement le double des harmoniques les plus aiguës. Et cette norme, aujourd'hui, elle est basse pour le CD, et la norme du MP3 est encore plus basse. Et c'est une norme qui va être gardée, puisqu'on passe du téléchargement au streaming. Mais pour l'instant, on est quand même dans une qualité sonore qui est loin de celle du CD, qui elle-même était déjà une très grosse baisse de qualité par rapport aux 33 tours. Donc, la restauration, c'est essayer de trouver le meilleur original possible dans le meilleur état. C'est évidemment d'avoir les pointes de lecture, les aiguilles qui correspondaient à la marque et à l'année de la marque de l'époque. Donc, tâche facile. Très peu de gens en France qui ont cette compétence-là. Et là, ce sont les mêmes studios que Frémo utilise, que Universal utilise, etc. Ensuite, il y a une restauration. Donc, il y a eu un choix sur beaucoup d'ouvrages avant le refroidissement du numérique de faire passer ça par un préampli à lampe, de façon à réchauffer, à rajouter un petit peu d'harmonique artificielle avant le désherbage du numérique ensuite, avant le refroidissement. Et puis ensuite, la compression à peu près normale, mais de toute façon, les enregistrements sont plutôt comprimés à l'époque, et d'offrir une qualité de son qui est à la fois le grain de l'époque et qui en même temps donne finalement tout le signal initial qu'il y avait au fond du sillon. Vous êtes environné d'objets de toutes sortes. D'ailleurs, ça va des dossiers aux très belles statues, tableaux, évidemment CD. Ça recouvre, on a presque l'impression d'entrer dans le bureau de Jean Piaget qui répondait à Jean-Claude Bringuier dans un portrait de la vieille télévision française. On a envie de dire qu'il est en désordre. C'est certainement ordre apparent, désordre caché, comme dirait l'autre. Mais du coup, ça laisse aussi entrevoir que le temps vous est sans doute compté. Alors, dans le temps qui vous est compté et qui vous reste, au jour le jour, est-ce que vous avez encore du temps pour l'écoute? Et vu l'attachement à l'esthétique de ces choses-là que vous semblez porter, comment ça se traduit chez Patrick Frémo, simple auditeur? Tout le problème, c'est qu'en fait, dans votre question, il manque la question divisionnaire. Dans la mesure où Frémo est associé, fait par exemple les cours grand public des presses universitaires de France dans les sciences sociales, qu'on est aussi éditeur de philosophie, et le temps qui m'est resté m'oblige à la lecture, à ce qui s'écrit dans pratiquement tous les domaines, à me tenir au courant des nouvelles œuvres, et il y a un temps imparti, lui, à la musique, qui se retrouve divisé dans le temps libre, et dans lequel il n'y a pas de règle, je peux remettre un enregistrement de Bessie Smith. Il y a deux disques que j'écoute pratiquement une fois par mois, qui est le Roundabout Back, Autour de Back de Francis Lockwood, qui est remarquable, qui est un tombeau où il joue les uns après les autres des morceaux de Back et des improvisations de jazz. Il y a le disque La Comparsita de Santoshi Lemi. Et puis, voilà, j'écoute de la musique du monde, j'écoute toujours Armstrong, j'écoute le Golden Gate Quartet, j'aime beaucoup le début de la soul music, Otis Redding, mais il n'y a pas de règles. Il est sûr que tout ce qu'on a découvert à l'âge de l'adolescence reste marqué à vie d'une espèce d'émotion supplémentaire. Francis Lockwood, Round Around Back. Dans ce qui se fait aujourd'hui, par exemple dans le domaine du jazz, dans le domaine de ce qui pourrait être au croisement du jazz et de l'électro, est-ce que vos oreilles ont parfois été surprises, séduites? Le label ACT dans sa politique, Ibrahim Malouf qui est souvent critiqué par les puristes du jazz, puisqu'évidemment dès qu'on fait quelque chose de plus ouvert, de plus... Ça grince, puis si ça marche, ça devient terrible. Mais moi, j'aime bien, parce que c'était d'ailleurs l'esprit du crossover de Claude Bolling. Ibrahim Malouf est entre le jazz et Maurice André. Il est entre la générosité de la musique de kiosque et puis une musique technique savante. J'aime beaucoup le groupe nantais C2C qui s'était rapproché d'Electro Deluxe. Et cette idée de fusion que je trouvais parfaitement en place, réussie je dirais historiographiquement juste dans l'esprit. Patrick Frémaux, au micro de Jean Leclerc. Comment un éditeur comme vous, qui accumule autant de matériaux de cette nature, à savoir une fois encore le disque audio numérique, s'en sort aujourd'hui au moment où la dématérialisation semble l'emporter, malgré ce que certains annoncent comme étant le retour du vinyle, que d'autres regardent avec beaucoup de distance, voire de suspicion. Le support... a du mal aujourd'hui, où le support s'est affaibli. Le support va sûrement disparaître. Le vinyle, qui représente 8 à 10% du marché, qui a eu sa pointe de vente en juin 2017, est en fait un mix entre l'objet, la photo poster et l'enregistrement. Mais la majorité des vinyles qui sont faits aujourd'hui sont faits à partir des enregistrements numériques, donc ils n'offrent pas l'intérêt de l'analogique. Puisque l'intérêt d'un enregistrement analogique, c'est qu'il y a l'infini en termes de son. Le CD continue à perdre à peu près 20% chaque année. Enfin, nous, on observe ça. Là, je suis à 19,5% de perte sur le support. Le numérique augmente, mais beaucoup moins vite. Pour une raison simple, c'est que le physique et la distribution physique étaient la propriété des maisons de disques, alors que le numérique, c'est le GAFA, plus Spotify, Deezer. Et qu'en fait, les exploitants ne sont pas les producteurs. C'est-à-dire, ceux qui vendent ne sont pas ceux qui ont la charge de la production et du rendement de la production. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu unique, dans laquelle la musique s'est très mal organisée. Les majeures compagnies n'ont pas su finalement créer des sites et être propriétaires de leur outil de vente, alors que tous les autres métiers ont été fragilisés et s'en sont sortis. Il y a eu un moment où, en effet, sur Internet, les plus gros vendeurs de billets d'avion n'avaient pas d'avion, les plus gros vendeurs de chambres d'hôtel n'avaient pas de chambres d'hôtel. Et puis, les compagnies ont créé des réseaux, SkyTeam, Air France avec SkyTeam. Le groupe Accor a créé un site Internet qui vendait vraiment les chambres le moins cher possible par rapport à l'ensemble des sites. Et tous ces métiers-là ont repris finalement Internet et sont devenus propriétaires de leur acte de vente. Dans la musique, sans doute parce que le marché est trop petit et sans doute parce qu'il y a une culture compétitive entre les maisons et pas coopérative et que aussi le marché est trop petit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'économie d'échelle, il n'y a pas eu une organisation à pouvoir s'auto-vendre, je dirais de manière frontale et concurrentielle avec les Deezer, Spotify et iTunes. Pour vous et vos choix, les choix de Frémeaux associés, y a-t-il des hypothèses de pouvoir déménager un aussi grand catalogue et le mettre sur le net? 95% du catalogue Frémeaux est sur le net. La musique aussi. La musique aussi, sinon on n'existerait plus. Tout Internet doit représenter à peu près 30% du chiffre d'affaires de Frémeaux et associés, mais ça doit représenter 95% de l'écoute, mais ça représente que 30% du chiffre d'affaires. Et on fait 10% avec les droits et 60% avec le physique, avec les CD. Donc à l'heure actuelle, cette distribution existe, mais elle n'est pas économiquement substitutive à la distribution du physique. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a plutôt une perte d'argent qui est récurrente et qui renvoie nos métiers à des métiers de vocation. C'est-à-dire aujourd'hui, les maisons de disques indépendantes qui tiennent sont des maisons de vocation très bien gérées et qui en plus ont une certaine ancienneté. C'est-à-dire elles ne sont pas dans une période de croissance où elles doivent acheter leurs locaux, financer leur infrastructure. Patrick Frémeaux, vous connaissez un équivalent dans le monde à ce que vous faites, vous ? Alors, je connais des équivalents par type de culture, c'est-à-dire oui. Dans le blues, dans le jazz, dans l'ornithologie, mais non, il n'y a pas de maison de disques équivalente qui couvre tous nos domaines et qui en fait une espèce de volonté pérenne, pensée sur le long terme avec des intégrales, puisqu'on fait l'intégrale de Armstrong, l'intégrale de Django Reinhardt, donc avec des projets de production sur 15 ans. Et puis les deux grandes maisons de disques culturelles françaises qui n'avaient pas notre type de catalogue, mais qui faisaient partie des grands indés français, c'est-à-dire Harmonia Mundi et Naïve. La première est maintenant, même si elle opère toujours en France, la propriété d'une maison belge qui s'appelle Pias. Et Naïve a été rachetée à la barre du tribunal de commerce par l'agrégateur de contenu Believe. Donc en fait, on est la dernière grande maison de disques culturelle française établie en France. L'image, la lithographie, la peinture fait également partie de vos activités. Et ça, on peut le découvrir en venant chez vous, ici à Vincennes, où nous trouvons maintenant. En fait, toutes les formes de culture existent chez Frémeaux Associés, puisque nous avons quand même toute une gamme de DVD culturels. Là, nous sortons un film de Max-Paul Fouché de 2 heures sur l'Afrique noire en coédition avec le Quai Branly, qui est le premier grand film historique sur la culture de toutes les civilisations premières avec la partie artistique. Et ça s'inscrit au sein de la galerie Frémeaux Associés, qui existe depuis maintenant un peu plus de 25 ans, qui présente 3000 œuvres en permanence, du tableau 19e siècle jusqu'aux estampes contemporaines, et qui fournit un certain nombre de musées, organise des expositions, est présent dans d'autres grandes galeries au travers d'expositions, et concilie finalement avec les livres audio, les cours de philosophie, tout le catalogue musique, l'ornithologie et Frémeaux Associés Télévision, un ensemble autour des arts et de la culture qui se répondent. Merci de ce nouveau passage au micro d'Histoire Vivante, Patrick Frémeaux, et bonne continuation. Merci à vous.